Sagesse avec le temps qui passe, tu ne fais rien de mieux qu'avant. Ici rien ne change, ma chérie, caresse le creux de mon épaule, bébé, quand tu me frôles, je revois les anges. Yeah.